Chapitre 3e. Les oreilles du barbet. Ce train de bateau était celui dont Jacques venait d'annoncer au docteur la prochaine arrivée. Il appartenait à maître Jean Vernot, père d'Arsène Vernot, qui s'arrêtait quelquefois devant l'île de Béhuard pour faire la cour à Madeleine. Fort, actif et intelligent, Arsène montait le petit bateau qui précédait la marche du train. C'est lui qui piquait les balises dans le sable. Une fois que la flottille eut jeté l'ancre, il revint à bord, fit un peu de toilette et se dirigea vers le village de l'île avec quelques-uns de ses compagnons. Après le rude labeur de la matinée, il était naturel que les mariniers allassent faire une station au cabaret. Ils y entraient au moment où le docteur sortait d'une ferme voisine où il avait été prendre une jatte de lait. Dans ses excursions de botaniste et de naturaliste, le sobre docteur n'emportait souvent avec lui qu'un morceau de pain et il se désaltérait avec l'eau des ruisseaux, ce qui surprenait grandement les gens du pays de la part d'un homme qui, selon leur naïve observation, avait si beau moyen de bien vivre. Allègre et souriant, le docteur se mit en devoir de regagner sa demeure. Quand il arriva du côté de l'île qui fait face à la rive droite de la Loire, il aperçut le bateau du pêcheur Léonard qui stationnait à une assez grande distance en aval du point où il espérait le trouver. C'était pour lui quelques centaines de pas de plus à marcher le long des haies fleuries. Mais Madeleine, qui retournait au village avec son père, parut assez désagréablement surprise de découvrir le docteur venant à sa rencontre par le sentier qu'elle suivait elle-même. « Mon père, dit-elle au vieux pêcheur, voici M. Christian. Il va nous demander à le passer de l'autre bord. Il aurait mieux fait de venir plus tôt, mais je ne lui refuserai point ce qu'il me demande, c'est un si brave homme. » Puis, adressant de loin la parole au docteur, « Eh bien, monsieur Christian, qu'y a-t-il de nouveau dans l'île depuis ce matin? Avez-vous trouvé votre oiseau ?»« Mon oiseau, » répondit doucement le docteur, « je l'ai entrevu. Le problème est résolu à moitié. Quant à du nouveau, il y en a dans l'île. »« Vraiment? Comptez-nous donc cela, s'il vous plaît. Vous voulez passer de l'autre bord, n'est-ce pas ?»« Mais oui, cela vous contrarie, Madeleine. Vous étiez bien aise de rentrer au logis. Eh bien, ma chère enfant, faites-moi ce petit sacrifice, et vous vous en trouverez bien. » Je vous promets un beau cadeau le jour de vos noces. » À ça, père Léonard, les nouvelles de l'île, c'est que Jacques Aubert se rachète du service. Le vieux pêcheur qui détachait la corde de son bateau s'arrêta brusquement et Madeleine, qui saisissait la gaffe, resta les bras levés. « Jacques se rachète du service ?» dirent le père et la fille avec l'accent de la plus vive surprise. « Mais où a-t-il trouvé de l'argent ? Ah, c'est là son secret. Vois-tu, Madeleine ? Reprit le pêcheur en se tournant vers sa fille. Il paraît que le cousin qui avait passé aux colonies lui a laissé quelque chose. « Cet argent-là pourrait bien venir de quelqu'un qui a fait le voyage des colonies, » dit en souriant le docteur. « Après tout, qu'importe. »« C'est qu'il pourrait en venir d'autres, » répliqua le pêcheur. « Dame, il a de la chance tout de même, ce garçon-là, et on disait qu'il était gueux. « S'il a du bonheur, il le mérite, car c'est un brave jeune homme, » ajouta le docteur. « Ça, c'est vrai, » reprit le père Léonard. « Jacques est un bon travailleur, il a de la conduite. Ce que c'est que d'avoir des cousins qui vont aux colonies ?» Pendant ce dialogue, Madeleine regardait couler l'eau. Pensive et sérieuse, elle semblait ne prêter aucune attention aux paroles que son père et le docteur échangeaient entre eux. Entraînée par le courant, le bateau dont elle négligeait de redresser la poupe s'engageait dans le sable, et quand elle voulut ramer, elle s'aperçut qu'il était échoué. Il fallut que le docteur et son chien sautassent à terre pour alléger le batelet, que le père Léonard, dans l'eau jusqu'à la cheville, essayait de remettre à flot. Pendant que le vieux pêcheur travaillait ainsi, Bistouri disparut en aboyant derrière les saules, et bientôt il se mit à faire entendre des gémissements plaintifs. « Attendez, » dit le docteur, « il est arrivé quelque chose à mon chien. » Parlant ainsi, il s'avança vers l'intérieur de l'île, et se trouva face à face avec un marinier de haute taille qui tenait le pauvre Bistouri par les oreilles. « Jeune homme !» cria le docteur. « Laissez mon chien !» Sans rien répondre, le jeune marinier jeta le barbet à terre et s'approchant du vieux pêcheur, l'aida d'un coup d'épaule à faire flotter le bateau. Madeleine avait rougi en reconnaissant Arsène et elle devint pourpre lorsque celui-ci lui présenta une douzaine de ces petits paniers remplis de figues sèches que les navires apportent de Lisbonne à Nantes. « Merci, Arsène, » dit le père Léonard. « Merci. Vous voyez bien que ma fille est gênée de recevoir vos cadeaux. » « Jeune homme, » dit à son tour le docteur, « pourquoi vous êtes-vous permis de tirer les oreilles à mon chien ?»« Ah !» dit le marinier, « que se passe-t-il donc ici ?»« Madeleine n'a pas même l'air de me connaître. Vous, maître Léonard, vous repoussez mes petits présents, et voilà un vieux monsieur qui se fâche parce que j'ai corrigé son barbet, qui voulait me mordre les jambes. »« Barbet, tant que vous voudrez, » reprit le docteur en élevant la voix, « c'est mon compagnon, mon ami, vous devez le respecter, monsieur. » Arsène leva imperceptiblement les épaules. « À qui s'adresse ce geste de mépris ?» demanda le docteur de plus en plus animé. « Croyez-vous, monsieur le marinier, que vous m'insulterez impunément ?»« Vous naviguez sur l'eau douce, la gaffe à la main, et moi, monsieur, moi qui vous parle, j'ai navigué sur l'eau salée, l'épée au côté. J'ai servi comme major dans la marine royale, monsieur, à bord des frégates et des vaisseaux de ligne. » Le docteur accompagnait son discours de gestes bizarres. Sa longue redingote toute mouchetée du duvet tombé des saules en fleurs et ses souliers couverts de limon lui donnaient l'apparence grotesque d'un marchand de Morora. Pendant qu'il débitait sa véhémente allocution, Bistouri s'était blotti au fond du bateau. Au moment où le docteur y prenait place à son tour, le marinier Arsène, faisant un signe à Madeleine, porta le doigt à son front en disant tout bas « Il est toqué, ce monsieur !» Un léger sourire dérida le front de Madeleine qui se mit à pousser le bateau en avant. Quelques minutes après, le docteur, qui semblait fort agité et gardait contre son habitude un profond silence, sauta sur le rivage et regagna sa demeure. Lorsque le pêcheur et sa fille furent de retour dans l'île, Arsène, qui les attendait, s'approcha d'eux avec empressement. « Maître Léonard, » dit le marinier, « il faut que je retourne à mes bateaux, et je n'ai que juste le temps de m'expliquer avec vous. Vous savez que j'aime votre fille. Jusqu'ici, j'étais bien accueilli par vous. » Et pas trop mal reçu par elle. » En prononçant ces dernières paroles, il se tourna vers Madeleine, qui était restée quelque peu en arrière. Celle-ci cueillait sur les haies des tiges fleuries d'épines blanches, affectant de ne point entendre un discours dont elle ne perdait pas une syllabe. C'est que maître Léonard surveillait de près sa fille, et Madeleine n'avait pas son franc-parler avec lui. « Mon père se fait vieux, » continua le marinier. « Il veut se retirer et me laisser la conduite de ses bateaux. » « C'est une belle affaire pour moi. »« Je ne dis pas non, » répliqua le pêcheur, « mais il y a des chances dans la navigation comme en tous états. »« Dame, » reprit Arsène, « il vaudrait mieux avoir des rentes, c'est clair. Vous avez peut-être trouvé quelques bourgeois pour votre fille. S'il en est ainsi, excusez-moi, père Léonard, je ne suis plus le gendre qui vous convient. » Parlant de la sorte, le marinier prit un sentier qui tournait brusquement à droite, du côté du Grandirat de la Loire, et s'éloigna. Mais il n'avait pas marché si vite que le petit bouquet cueilli par Madeleine, lancé par elle, ne vint effleurer sa joue. Il regarda à travers la haie, et apercevant la jeune fille qui souriait et hâtait le pas pour rejoindre son père. « Bon, se dit-il, le vent est contraire, mais j'ai le courant pour moi. » Il pouvait être midi. Le pêcheur et sa fille rentrèrent chez eux pour prendre leur repas, qui consistait régulièrement en une friture de petits goujons. Arsène regagna son train de bateau, et le docteur, qui venait d'arriver à sa maisonnette, montra droit à son cabinet de travail. Contre son ordinaire, il se trouvait d'assez mauvaise humeur. Il s'assit d'abord dans un fauteuil, tandis que Bistouri s'installait sur un fauteuil voisin pour faire la sieste, puis il se releva et s'accouda à la fenêtre. Peu à peu, la vue du splendide horizon déroulé devant ses yeux lui rendit sa sérénité accoutumée. « Voyons, » se dit-il en se tâtant le pouls. « Je me suis un peu trop agité. Ces mouvements de colère ne conviennent ni à mon caractère ni à mon tempérament. Pourquoi diable épouserais-je les intérêts de l'un de ces deux rivaux? Ce marinier a fort bonne mine, ma foi. Il a eu tort de tirer les oreilles à mon chien. Mais je n'aurais certes pas pris la mouche comme je l'ai fait si je n'avais été prévenu contre lui par les confidences de ce pauvre diable. Eh bien, qu'il se débrouille, c'est leur affaire. Si Arsène épouse Madeleine, je n'aurais pas moins contribué au bonheur de son concurrent en le rachetant du service. Il y aura deux heureux au lieu d'un, et moi je serai en possession d'un nid de fauvettes bleues. Ah, si je pouvais l'avoir !»